Clapton. Thank you. J'adore cette chanson. Elle n'est pas facile à chanter, mais elle est assez chouette. J'ai un copain qui est fan de Clapton qui m'a demandé de lui bosser. J'ai dit, tiens, je garde ça. Voilà, ben il faut se caler à 90 là à peu près.